champagne rosé. J'arrive vite comme en Ferrari, on va la roser. Voilà pour tes beaux yeux, pour dépenser l'oseille. Une taille, deux tailles, trois tailles, ok. Paris dans la cage, là où y'a de la dèche. Ici c'est la dèche, j'm'en barre mon adresse. J'ai vendu ma cesse, voilà pour la cesse. Fais riche la cesse, personne va aller ma caisse. J'aime me noyer, monter en V12, j'm'embarque, j'aime piloter.